بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Que toutes les louanges soient à Allah, le Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, et que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, sur sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses qui sont inventées dans la religion pour se rapprocher d'Allah. Et tout ce qui est inventé dans la religion pour se rapprocher d'Allah, ça s'appelle des innovations. Et toutes les innovations sont des déviances, et toute déviance mène au feu de l'enfer. Hier, on avait vu, on avait commencé à voir en fait, après c'était un peu entrecoupé avec les questions et tout ça, donc Inch'Allah, s'il y a des questions, on va les laisser à la fin, Inch'Allah. Et comme ça, on pourra voir à peu près le message, Inch'Allah, qui est transmis, Inch'Allah. C'est sur les conditions d'acceptation des actes en islam. Shurut qubul l'amal en islam. Yani, lorsqu'on fait un acte d'adoration, yani, on met du temps, on essaie de se concentrer, on essaie de le faire correctement. Donc maintenant, on avait vu comment maintenant cet acte peut se faire accepter par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu, même dans les cours précédents, que être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'ikhlas billah subhanahu wa ta'ala, c'était pas suffisant pour avoir une action qui est acceptée. Parce qu'il y a des gens qui sont très sincères, mais qui ne suivent pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces actions ne sont pas acceptées. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ce que le messager vous ordonne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit مَنْ أَطَعَ الرَّسُولُ مَنْ يُطِعَ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre, à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils fassent attention qu'une fitna va tomber sur eux. Yani, à force de s'opposer aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent être touchés par une fitna dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et comme on avait dit, ce qu'avait dit l'imam Ahmed rahimahullah, que Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, que la fitna, c'est le fait que si une personne qui reçoit l'épreuve et malgré ça continue à s'opposer et en état si fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, elle oppose le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam délibérément, c'est pas par ignorance, elle sait pas, c'est différent. Mais une personne délibérément, elle veut désobéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en refusant d'appliquer les preuves qui lui sont revenues, eh bien une fitna tombe sur elle. C'est quoi la fitna? C'est le maut ala ghayr al-islam. Par exemple, qu'une personne peut mourir en dehors de l'islam, yani, elle peut mourir comme une juive ou une chrétienne, voilà, je sais pas quoi. Ou bien qu'elle tombe dans le shirk al-akbar dans cette vie-là. Elle se met à adorer autre qu'Allah ou autre chose avec Allah, ou elle commence à prendre des intermédiaires entre elle et Allah, ou quoi que ce soit. Et puis d'autres châtiments qui peuvent lui tomber dans cette vie-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى. Et celui qui se détourne de mon rappel vivra une vie pleine de gêne et de troubles, pleine de difficultés. Il n'est pas tranquille dans son cœur, il n'est pas apaisé. C'est-à-dire il est triste même dans sa vie de dunya et il est triste dans son cœur. Il a un cœur qui est mort. Pourquoi? Parce que, yani lui il est vivant mais il est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait il s'est détourné du message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les ulama ont nommé le verset dans Surat Ali Imran, qui est le surat numéro 3, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et les ulama, ils ont appelé ce verset Ayatul Imtihan, le verset du test. Le verset du test. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a eu des personnes qui prétendaient aimer Allah. Il y a eu des personnes qui prétendaient aimer Allah, et si bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a testés avec ce verset-là. Vous aimez Allah? Eh bien, suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prouver votre amour au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Ibn Kathir, rahimahullah, a dit « Ce verset juge mensongère toute personne prétendant aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans qu'elle ne se conforme pas à sa tradition, ainsi qu'à la religion qu'il a transmise en actes et paroles, conformément au hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque commet un acte pour lequel un ordre de notre part n'a pas été ordonné, son acte sera rejeté. » Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du hadith, alladhi akhrajahu muslim fi sahih, an Aisha radiallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa radd. C'est-à-dire que c'est rejeté sur le dos de celui qui veut ramener un acte qui n'est pas venu de l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan al-Basri, rahimullah, qui est aussi un savant de l'islam, et d'autres savants, ils ont signalé, certains ont prétendu aimer Allah, cependant Allah les a mis à l'épreuve par la révélation de ce verset. C'est pour ça que ce verset, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ » فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمَ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آيَةُ الْإِمْتِحَانِ. C'est le verset du test. C'est-à-dire que si une personne veut savoir son degré d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si tu aimes Allah, ça veut dire que tu te soumets aux ordres d'Allah. Les ulama disent أَسْلَمَ الْإِنْسَانِ إِذَا اسْتَسْلَمَ. La personne est musulmane si elle s'est soumise. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui refuse d'obéir à Allah, comment il peut prétendre d'aimer Allah? Et on avait vu aussi les différentes preuves en ce qui concerne que, on avait commencé avec ce point que فَإِنَّ مَبْنَ دِينَ الْإِسْلَامِ عَلَى أَسْلَيْنِ أَلَّا يَعْبَدْ إِلَّا اللَّهُ وَأَلَّا يَعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. L'islam est basé sur deux piliers essentiels. Que l'adoration ne doit être qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et que l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul ne doit se faire qu'avec ce qu'Allah a légiféré. Avec ce qu'Allah a légiféré. Pourquoi? Parce que c'est pas une porte ouverte à tout le monde, parce que n'importe qui peut ramener son grain de sel, comme on dit. Moi je préfère adorer Allah comme ça. Mais nous, pour nous, c'est évident. Mais wallah al-azim, j'ai croisé une personne qui m'a dit: je pense que n'importe qui peut adorer Allah comme il veut. C'est subhanallah. Et cette personne-là est prise avec nous à la mosquée, en Écosse. Venez. Souvent, ce sont des gens qui viennent d'Indonésie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de, tu vois, d'Alim qui. Et il a dit ça, lui, il croit, tu vois, parce qu'il voit, Houma, dans des pays où est-ce que, mesela, c'est mélangé. C'est pas comme, par exemple, la majorité, c'est des musulmans, voilà, tu vois. C'est mélangé, mesela, t'as une mosquée ici, un temple bouddhiste ici, un temple hindou ici, une église, côte à côte, hein. En Malaisie, c'est comme ça. Eh bien, le truc, c'est quoi? C'est que les personnes, ils croient, tant que tout le monde adore un créateur, voilà, c'est pas un problème. C'est pas un problème, même si t'adores, tu vois, les statues, le Bouddha, les vaches, les je sais pas quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils commencent à être influencés, en fait, avec ce type de pensée. Et lorsque, par exemple, si maintenant il y a des... Mais comme on peut vivre ici, tu vois, il y en a certains, ils peuvent être influencés par la religion, par les chrétiens. Ils voulaient faire tout comme les chrétiens. Yanni fêtait les Noëls, fêtait les jours de l'an, etc. Et ça. Mais on le verra aussi, c'est que Yanni Noël, c'est une tradition qui est chrétienne. L'origine de ça, c'est les païens. Yanni, c'est ceux que Yanni des mouchriquines. Et aussi les chrétiens, c'est aussi des mouchriquines, parce qu'ils adorent aussi autre qu'Allah. Et il y a des musulmans, ils veulent faire aussi pareil. Ils vont dire, c'est quoi le problème d'acheter des cadeaux? Fêter le jour de l'an, ça, c'est une origine juive. Et en réalité, les gens, ils fêtent le 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Ça, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et donc, ils vont dire, vas-y, c'est pas grave, on est une bonne année, je sais pas quoi. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tattabi'unna sunana min kana qablakum, shibran bi shibr, wa zira'a bi zira'a, hatta law dakhalu juhra dabban ad dakhaltumu, قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédé dans tout, pas après pas. Ils mettent leur pas ici, tu vas essayer de mettre le pas là. Ils vont tourner par là, tu veux faire pareil. Même s'ils rentraient dans un trou d'un lézard, vous ferez votre possible pour rentrer dans ce trou de lézard. Les compagnons du prophète, radiallahu anhum, wa sallallahu alayhi wa sallam, ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, qui c'est que yani, les gens qui viendront après nous, ils suivront? Qui ça? Les juifs et les chrétiens? Il a dit, qui alors? Donc tu vois, les gens vont suivre. Et donc c'est ça, l'origine. Donc les conditions, c'est que l'adoration doit être que pour Allah et seulement selon le suivi du prophète Mohammed. On avait vu toutes les preuves aussi dans Sahih al-Bukhari, un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. » Toute ma communauté entrera au paradis, excepté ceux qui refusent. Excepté ceux qui refusent. Oh messager d'Allah, qui va refuser? Yani, qui va refuser d'entrer au paradis? Celui qui m'obéit et celui qui entrera au paradis. Et celui qui me désobéit et celui qui refuse. Yani, il n'est pas intéressé. La voie du paradis, comme l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, toutes les portes qui mènent vers Allah sont fermées. Seulement le chemin qui est derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a été ouvert. Donc celui qui veut se mettre derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, celui-là il veut le paradis. Subhanallah. Et c'est quelque chose de très clair et de très logique. Il veut le paradis, et bien il va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah a révélé sa législation à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il nous a mis en garde de ne pas suivre leur chemin. C'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, qui est le verset 115, « وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى » Et celui qui fait scission avec le messager, il ne veut pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'oppose aux commandes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Après que la preuve lui est venue claire devant lui. Il a vu la vérité. Et malgré ça, il veut continuer dans ce chemin détourné. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Nous le ferons responsable de la décision qu'il aura prise de s'opposer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous le mettrons en enfer. Voilà, a'udhu billah. Donc on avait vu les preuves en ce qui concerne la sincérité, que l'acte doit être sincère pour Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Et ils n'ont été ordonnés que de n'adorer Allah seul, en étant sincère, en lui vouant un culte exclusif, un pur monothéisme. C'est-à-dire que ton cœur, il est attaché qu'à Allah, pas à des objets. Tu vois? C'est pour ça que dès qu'on avait parlé, c'est les mains de Fatma, les trucs, la dernière fois, quelqu'un. Tu dois pas attacher ton cœur à ces trucs-là, ou à la croire que ça te protégeait, ou à la... Attache-toi à Allah. Tu vois? Si tu fais un long trajet, attache ton cœur à Allah. Tu vois? Tu te dis, il n'y a que Allah qui peut me sauver. Yani, ces trucs-là, même ces trucs-là, ils peuvent même pas nous suivre dans nos tombes. Pourquoi on s'accroche à des choses qui ne peuvent pas nous bénéficier? Yani, la fil qabr ou la fil akhira. Yani, ni dans le barzakh, la vie qui est entre la mort et l'attente du jour du jugement, ni le jour du jugement. On s'accroche qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah lillahi ad-din al-khalis. N'est-ce pas Allah la pure, sincère religion, yani que pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, la yanal Allah luhumuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa minkum. Ce n'est pas ni leur chair, ni leur sang, qu'Allah veut de vous, yani lorsqu'on égorge un mouton, on avait dit. Hein? Allah ne veut pas de toi juste que tu égorges pour le but d'égorger un mouton. Voilà, d'avoir, et lorsque le sang touchera le sol, et bien tous tes péchés sont pardonnés, péchés mineurs. Yani. Et tu vois ce que je veux dire? Cet acte-là, ça fait partie de leur sunna lorsque tu égorges un mouton, lors du Eid. Mais Allah, il veut de toi la piété. Venez. C'est la piété qui veut de toi. Donc ça ne sert à rien de mettre à une personne, elle refuse de prier 5 fois par jour et elle va être la première à acheter un mouton. Pourquoi? Parce que pour concurrencer les voisins. Ça me dit une tâche, je vais avoir le plus gros. Au bled, c'est comme ça qu'ils font. Qui sait qu'a le plus gros mouton, qu'ils vont le mettre dans son balcon à la dehors. Tu vois? Et c'est comme ça. Et après, tu laisses tourner ton enfant avec le mouton. Ah ben ça, c'est le mouton de. Ah, machallah. Tu vois? Yani, ils ne sont pas intéressés par la piété. Allah, il veut de toi la taqwa. La taqwa. Fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de toi la taqwa. Donc, je parlais en fait que le sujet, c'est sur les conditions d'acceptation des actes en islam. Ça doit être basé sur la sincérité envers Allah seul et le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu aussi les preuves en ce qui concerne le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit qu'il y en avait de nombreuses. Il y avait de nombreuses, tu vois, dans le Qur'an et dans la Sunna. Et on avait vu que ce suivi du prophète, maintenant, le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment eh bien, une personne elle peut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comme on avait dit, on croise n'importe quel musulman et on va lui dire, qu'est-ce que tu suis? Il va dire le Coran et la Sunna. Qu'est-ce que tu suis? Le Coran et la Sunna. Qu'est-ce que tu suis? Le Coran et la Sunna. Ils suivent tous le Coran et la Sunna, malgré ça, ils sont divisés. Donc il y a un problème. Subhanallah, comment que ça se fait que tous ceux qui suivent le Coran et la Sunna, ils sont divisés? C'est un problème. Et on disait hier aussi que la division, c'est pas quelque chose de bien. C'est qu'elle n'est pas aimée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle est détestée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut pas que tu aies 3 milliards de groupes soi-disant et puis les gens, ils sont en train de se faire des guerres, des trucs comme ça. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود على 71 فرقة. Les juifs se sont divisés en 71 sectes. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. وستفترق امتي على 73 فرقة. كلها في نار الا واحدة. Et ma communauté se divisera en 73 groupes, 73 sectes, tout en enfer excepté une. قيل وما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. La seule qui sera sauvée, la seule qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, la seule qui sera récompensée et la seule qui sera sauvée du châtiment de l'enfer, c'est celle qui est sur ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient. Et c'est ça le suivi. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. Et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Donc, كيف تتحقق موافقة للشريعة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, comment une personne en fait elle peut réaliser ce suivi du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم? Eh bien, le suivi du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ne peut se faire que si une personne a 6 points qui sont complets. C'est bon? أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها يعني في أصلها في جنسها وقدرها وكيفيتها وزمنها ومكانها. Donc l'acte que tu fais, l'acte d'adoration que tu es en train de faire, eh bien, pour qu'il soit accepté par Allah, donc déjà tu es sincère, ça c'est le premier point. Ensuite, pour qu'il soit accepté par Allah, cet acte, eh bien, il doit rentrer dans ces conditions-là. Ça veut dire qu'il doit être en accord avec la législation d'Allah dans son origine. Ça veut dire que tu fais ça basé sur une preuve. Si on te dit pourquoi tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les preuves sont là. Fi jinsiha, ça veut dire dans son genre. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, par exemple, d'égorger le mouton pour le Eid, la fête de Eid al-Adha, lorsqu'on égorge le mouton. Donc si une personne se dit, bon, donc tu peux égorger un mouton, une vache, en fait, tout ce qui est dans le genre de ces animaux-là. Mais si une personne dit, moi, je veux égorger un cheval, je pense que c'est plus fort, plus grand, et donc je pense que c'est mieux. Et donc si elle fait ça, son acte ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le genre qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheval fait partie des équidés. C'est un autre genre. Ce n'est pas le genre les moutons, les béliers, etc. Que l'acte d'adoration que tu fais soit en accord avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa quantité. Donc dans sa quantité, c'est comme on disait par exemple, si une personne veut prier dhuhr 6 rak'at, voilà 5 rak'at. Elle dit, je crois que si je prie 5 rak'at, eux ils prient 4. Moi, je vais prier 5, c'est mieux, j'en fais une de plus. Au moins, je suis mieux qu'eux. Eh bien, ça ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah, il a légiféré que ce qui doit être fait, ça doit être 4. Et non pas 5, ou la 6, ou la 3, ou la 2, ou la 1. Et ça, c'est dans des conditions, on avait dit, normales. Okay? Ça veut dire que t'as tous les jours. On ne parle pas des conditions de voyage, qui sont une exception, qui sont dans la législation d'Allah. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a la sunnah, c'est de lorsqu'on voyage, les ulama disent lorsque c'est plus de 80 km, wallahu a'lam, la distance, mais minimum 80 km, eh bien la personne peut faire du taqsir et jamma. C'est-à-dire qu'elle diminue, au lieu de faire 4 rak'at pour le dhuhr, elle fait 2 rak'at. Okay? Par exemple, on avait dit si la personne elle sort après salat al-fajr, elle peut soit prier dans son trajet à l'heure du dhuhr, 2 rak'at de dhuhr. Ensuite, elle fait salam alaykum. Et ensuite, elle fait dans sa tête l'intention qu'elle prie aussitôt après de la rak'at de asr. Tu vois? Et ensuite, elle fait salam alaykum. Ou bien, elle laisse ça à l'heure du asr et elle prie de la rak'at de dhuhr et de la rak'at de asr. Tu vois? Donc, ça, c'est la facilité qu'Allah nous a permis. Mais ça, c'est légiféré. Il y a des preuves. Donc, la personne, elle est permise de faire ça. Mais si une personne comme ça, par exemple, tard tous les jours, comme nous là, on vient et puis on se dit, bah, je veux prier de la rak'at de dhuhr. Voilà, je veux prier 5 rak'at de dhuhr. C'est mieux. Eh bien, ça, c'est pas accepté. Par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a aucune preuve sur ça et ça n'a pas été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Antakuna al-ibada muwafaqat li sharia, le quatrième point, pardon, fi kayfiyatiha, dans sa manière. Dans sa manière, tu dois la faire. Si une personne, pendant qu'elle prie, donc elle fait Allahu Akbar, et ensuite, elle veut commencer, pas en récitant la fatiha ensuite l'inclinaison, non, elle veut commencer par le sujoud. Je pense que c'est mieux, elle va te dire, tu vois. Elle commence par ça, et ensuite elle fait le rukou, ensuite elle se met debout, elle se met à réciter. Ça, c'est pas accepté, parce que c'est pas de cette façon-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, si une personne a fait le wudu, et elle veut commencer par les pieds, et ensuite par la tête, et ensuite par les mains, et ça, c'est pas accepté parce qu'elle a pas suivi l'ordre. Et c'est important. La personne, elle doit suivre l'ordre. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important d'apprendre, yani, en ce qui concerne les ablutions. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Maftah al-salat al-tuhur. » La clé de la prière, c'est les ablutions. « Tahrimuha takbirat al-ihram wa tahliluha al-taslim. » Ce qui rend illicite de faire, yani, manger, rire, parler d'autre chose, de la vie ou quoi que ce soit, dans la salat, c'est quoi? C'est le fait que tu as dit « Allahu Akbar. » Hey, tu n'as plus le droit de venir regarder par là, voilà, tu dois être dans ta salat. Wa tahliluha et taslim. Et qu'est-ce qui te permet de manger, de faire tout ça? C'est lorsque tu dis salam alaykum. Donc si une personne, yani, commence par ses pieds et ensuite fait sa tête, quoi que ça, dans les ablutions, ensuite elle vient pour prier, d'une part son ablution n'est pas acceptée, donc sa prière ne sera pas acceptée. Donc elle n'a pas des ablutions correctes. Et donc le cinquième point, antakun al-ibada muwafaqat li-shari'a fi zamaniha. Donc dans son temps, que l'acte d'adoration que tu fais doit être en accord avec la législation d'Allah dans son temps. C'est-à-dire que si une personne veut prier le dhuhr qabl az-zawal, c'est-à-dire qu'avant que l'heure du dhuhr entre. On avait dit l'heure du dhuhr, c'est lorsque par exemple tu plantes un bâton sur le sol. Le soleil lorsqu'il est au zénith, il n'y a pas d'ombre. Et donc, lorsque tu commences à avoir un peu d'ombre, l'heure du dhuhr elle est entrée. Mais la personne, elle se dit, bah, moi je veux prier avant. Avant que l'heure du dhuhr elle est entrée. Eh bien, sa prière n'est pas acceptée. Et, antakuna al-ibada muwafaqat li-shari'a fi makaniha. Donc c'est le sixième point, que l'acte d'adoration soit en accord avec la législation d'Allah, selon son lieu. Si par exemple, une personne a fait le hajj, et le jour de Arafat, on avait dit qu'elle veut tuquf fi Muzdalifa. Elle veut se mettre à Muzdalifa. Eh bien, ce n'est pas accepté. Arafat, elle doit être à Arafat. Tu vois ce que je veux dire? La religion d'Allah, elle est complète. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Surat al-Maïda, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Elle est complète. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu as juste à suivre. Tu vois, tu as à suivre. Elle t'apprend, tu as juste à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, les compagnons ils l'ont expliqué comme ça, comment cela a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et donc lorsque tu fais ça, alhamdulillah, tu le fais sincère pour Allah et en suivant, eh bien ton acte il est prêt pour être accepté pour Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a un autre point ici, c'est que pourquoi on parle de ça? On parle parce que d'une part, il faut comprendre que si on fait un acte et on passe du temps dessus, Femni, on doit faire notre possible pour qu'il soit accepté par Allah. On ne doit pas passer toute notre vie, on ne doit pas passer toute notre vie à faire un acte et en fait, il n'est pas accepté par Allah. Subhanallah. Si je me souviens bien, c'était un compagnon qui s'appelait Hudhayfa ou bien Muawiya, Allahu a'lam. C'est rapporté par l'imam Shanqiti, si je me souviens bien, dans un de ses livres, où est-ce qu'il a vu en fait un homme prier. Il priait d'une façon, tu vois. Il allait pas, comme si qu'il était en train, tu vois. Pas comme si qu'il était en train. Comme si qu'il était le TGV. Tu vois ce que je veux dire? Tac, vite fait. Tu comprends pas c'est quoi ça, tu vois ce que je veux dire, c'est, qu'est-ce que tu fais, tu danses, tu fais quoi? Subhanallah, t'as très rapide. Il l'a arrêté. Il lui a dit combien de temps tu priais comme ça? Il a dit 40 ans. Il a dit pendant 40 ans t'as pas prié. Et si tu serais mort comme ça, tu serais mort sur une autre communauté que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois le danger? Tu fais des choses et tu crois que c'est bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا dans surat al-Kahf à la fin. Yani dans la dernière page, Allah subhanahu wa ta'ala dit, devrons-nous vous informer des plus perdants des perdants, les pires des perdants? Al-akhsarina. Tu vois? Parce que ta khasr et ta akhsar. Ta khasr, c'est quelqu'un qui est perdant. Et akhsar, c'est un superlatif, c'est pire des perdants. Tu vois? Al-ladhina dalla sa'yuhum fil hayat ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ceux qui ont dévié de la droiture dans cette vie-là, alors qu'il croyait qu'il faisait bien. Tu vois, il croyait qu'il faisait bien. Il croyait qu'il n'y avait pas de problème. Tu vois. Et si bien qu'en fait, ils ont perdu leur temps. Il n'y a rien qui a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce verset-là, il concerne les kofars, les créants. Mais ça concerne aussi, ça met en garde les musulmans. Ça met en garde les musulmans. Parce qu'en faisant comme ça, c'est comme les péchés majeurs. Comment que tu attiens un péché majeur jusqu'à quelque chose qui peut t'exclure de l'islam? À force d'accumuler les petits péchés, ça va te mener aux grands péchés. Et parfois à certains péchés, grands péchés qui peuvent t'exclure de l'islam sans t'en rendre compte. Subhanallah. C'est pour ça, ça c'est très important. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith il est rapporté par al-Shaykhan fi sahihayhima, le Bukhari et le Muslim, dans leur sahih, selon Aisha radiallahu anha, qui a dit, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. » Celui qui invente un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, cet acte se verra rejeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aussi dans un hadith rapporté par Muslim dans son sahih, aussi selon Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man amila amalan, laysa alihi amruna, fahuwa radd. » Celui qui fait, yani un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, cet ordre se verra rejeté. Et donc ce qu'il y a, c'est que, qu'est-ce que c'est en fait l'amal bil-bid'a? Quelqu'un qui fait une innovation, qui invente quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on avait dit par exemple, ce qu'il faut savoir ici, c'est que, avant d'atteindre ce point-là, on doit comprendre en fait, l'asl fil-ibadat, c'est l'hadr ou l'mana. L'origine, la base en fait, dans les adorations, c'est l'hadr ou l'mana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu n'as pas le droit de faire tel ou tel acte jusqu'à que tu aies une preuve. C'est pas par exemple tu te dis bah, je crois qu'il n'y a aucun mal et je crois que c'est bien. Donc, yani, tu fais un ijtihad de toi-même et puis tu dis bah, je crois que c'est bien. Et tu le fais. Si tu fais comme ça, tu risques de tomber dans d'inventer quelque chose dans la religion. Et ça, c'est pas permis. Et ça, c'est pas permis parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ce genre de choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit, est-ce qu'ils ont des associés? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihi Allah? hein, ont-ils des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala qui leur ont légiféré des choses que Allah n'a pas permis ou ordonné? Donc ce qu'il y a, c'est que si tu ne fais pas en religion, tu ne fais pas. Mais tu demandes. C'est ça. Tu ne fais pas, tu fais pas. Tu demandes. Parce que c'est permis ça, tu vas avoir les gens, yani, qui ont du ilm. Contacte les ulémas, tu vois, les ilm. Yani, ceux qui sont sur la sunna. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves plein de choses. Tu trouves plein de choses. Tu vas sur internet, tu trouves plein de choses. Un mélange de tout. Et c'est pour ça, même aujourd'hui. Yani, la dernière fois, yani, subhanallah, j'étais en train de réfuter en fait quelqu'un qui parlait en ce qui concerne le Noël et puis il se permet de donner des cadeaux et je sais pas quoi. C'est basé sur quoi ce genre de truc? Subhanallah, tous les ulémas de la sunna ont mis en garde contre ce genre de truc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en premier, qui a dit « Man tashabba biqawman fahuwa minhum » Celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Ça veut dire quoi qui imite un peuple fait partie d'eux? T'es attiré par ce peuple-là. T'aimes ce qu'ils font, donc tu veux faire pareil. Eh bien, le jour de la résurrection, tu seras avec eux, dans le qiyam. A'oudhu billah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al mar'u ma'a man ahab » La personne est avec celui qu'il aime. T'aimes les musulmans, eh bien tu seras avec eux. T'aimes ce que font les kofars ou quoi que ce soit, eh bien voilà, tu seras avec eux parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'ils se mettent à parler, ils font des trucs, ils écrivent sur internet et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ok, ben, c'est bien. » Ça devient en fait l'islam, comme ils disent en anglais, pick and choose. C'est-à-dire, yani, comment dire, à la carte. Voilà, c'est ça, à la carte. Baraklofik, c'est exactement ça, à la carte. C'est un tarabon. Moi, j'aime pas trop écouter celui-là, parce qu'à chaque fois, il dit non, tu vois. Et celui-là, il dit à chaque fois oui, tu vois. Donc peut-être qu'en allant tout le temps voir celui-là qui dit tout le temps oui, peut-être que je vais trouver ce que je veux. Tu vois? Et s'il y a des choses que j'aime pas, eh ben je vais essayer de revoir ceux qui disent je sais pas quoi. C'est pas un, hein? Islam. Et voilà, c'est Islam, c'est une fois un et une fois Rali. Femni. Donc c'est pas comme ça la religion. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Muhammad, ذَلِكَ بِأَنَّ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, alors Allah a rendu vaines leurs œuvres. Subhanallah. L'islam c'est quoi? L'islam c'est quoi? هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. C'est que tu te soumets à Allah par l'unicité, c'est-à-dire que tu n'adores qu'Allah seul dans tout, comme on avait expliqué. Et que le fait que tu te soumets, ça veut dire que tu lui obéis. Et que si tu te dissocies des gens qui pratiquent le polythéisme et du polythéisme, tu te dissocies de ça. Comme Ibrahim alayhi salam a dit à son père et à son peuple, alors que son père lui-même construisait des statues. Il a dit Innani bara un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je me dissocie de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. Parce qu'ils adoraient Allah et ils adoraient des statues avec eux. Et bien lui, il a dit je me dissocie de tout cela, excepté d'Allah. Tu vois? Donc c'est ça. Donc faut pas qu'Ouahdi fasse ça. Faut savoir et écrire, et à chaque fois je le dis tout le temps, je le répète souvent ça, mais parce que ça c'est une vérité. Lorsqu'on va mourir, on va être seul. Seul, seul, seul. Wallah al-Azim, tu vas être tout seul dans le qbar. Tout seul. Ce sera toi avec ce que tu as fait. Toi avec cet amour que tu avais pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras seul. Tu vois? Il y en a tous les trucs que tu sais te porter, les trucs sales et je sais pas quoi. Tu n'auras plus rien. Ils vont te laver, tu seras seul, tout nu comme ça, ils te lavent. Et ensuite, ils te mettent dans du kafan. Un truc peut-être qui ne t'appartient même pas. Et tu vois, tout ce qu'on est en train d'entasser chez nous ou quoi que ce soit, ça va nous rapporter rien, ça. Tu vois? Le truc, c'est quoi? C'est que, et on te met dedans, les gens, ils vont être apathiques. Tu vois? Après, ils vont t'oublier parce qu'ils vont aller manger. Tu vois? Et après, c'est bon. Après, t'es fini. On ne parle plus de toi. On ne parle plus de toi, t'es fini. Les gens, ils ont leur vie à continuer à faire. Et les projets à faire, et ça, ça. T'existes plus. Tu vois? T'as pas eu le temps de faire des choses, et ben, ils vont essayer de le faire. Pourquoi une personne, tu vois ce que je veux dire, elle va se mettre dans des problèmes? Tu vois? Allah subhanahu wa ta'ala dit Minkum man yurid al-dunya wa minkum man yurid al-akhirah. Certains d'entre vous veulent cette dunya et d'autres veulent l'akhirah. Parce que si toi tu veux l'akhirah, Allah il te donne cette dunya et l'akhirah. Mais si tu. Prends un coup de pied. Mais si la personne, elle veut juste cette dunya là, Allah il lui donnera cette dunya, il n'aura rien fait l'air. Subhanallah. Ici t'es limité, 80, disons 60, disons 200 si Allah il permet, 200 ans. Et après, subhanallah, après c'est juste l'éternité. Tu vas être jugé sur ça, tu vas rester dans le qubar. Entre eux, c'est ça le barzakh. C'est la vie qui est entre eux lorsque tu meurs et l'attente du jour du jugement dernier. Celui qui est mort en tant que mécréant, qui a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le qubar. Imagine une attente où est-ce que le qubar il continue à se rétrécir sur toi. Et une porte vers l'enfer qui est ouverte. A'oudou billah. Tu vois déjà ce qui t'attend en enfer. Et donc lui, malgré qu'il voit ça, le kafir, il ne veut pas être en fait le jour du jugement. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, le jour du jugement, il va être jeté là-bas. Alors que le musulman, celui qui a essayé de se corriger lui-même, avec sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, essayer d'être plus sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, essayer de, tu vois, tu fais quelque chose, tu ne veux pas savoir avec quelle action une personne peut rentrer au paradis. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer, tu vois. Tu fais quelque chose et tu sais qu'Allah, inna Allah kana alaykum raqiba, Allah vous observe constamment, tu le sais ça. Eh bien, tu l'appliques. Et après, si tu meurs, alhamdoulilah, tu fais ton possible, ya Ikhi. Tu fais ton possible pour plaire à Allah. Eh bien, tu auras, lorsque tu seras en ta tombe, une porte qui s'ouvre vers le paradis. Tu vois déjà les délices qu'il y a. Tu seras pressé que le jour du jugement vienne pour que, subhanallah, tu vas au paradis et tu vois Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois ? Donc, c'est ça l'origine dans les actions, dans les actes d'adoration. Vaut mieux qu'une personne fasse un acte d'adoration qui va être accepté par Allah et que tu peux gagner ça dans ton qbar, tu vois, après la miséricorde d'Allah, bien sûr, parce que personne ne rentre au paradis par ses actions, mais excepté par la miséricorde d'Allah. C'est d'abord par la miséricorde d'Allah qu'une personne rentre au paradis, tu vois. Et ensuite, les actions, c'est une cause pour rentrer au paradis. Et selon ce que la personne a fait durant sa vie, eh bien, elle sera dans un étage beaucoup plus élevé au paradis. Tu vois ? Donc, si tu fais une chose, c'est pour ça que tu dois t'assurer que ça, c'est bien basé sur quelque chose de clair. Pourquoi tu le fais ? Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut te réfuter sur ça, et personne ne peut te dire, ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, si une personne veut faire un acte qui n'est ni dans le Coran, ni dans la Sunna, eh bien, qui va dire, je sais pas moi, tel il a dit ça, ou je sais pas quoi. C'est pas une preuve. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit, lorsqu'il était au niveau du qbar de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, tous les actes, toutes les paroles des gens peuvent être rejetées. Klem ta'al abad l'kul, najmun ruddu. Iza kan ikhalif al-Qur'an wa sunnah. S'il oppose le Qur'an et la sunnah. Il a dit, excepté la parole de celui qui demeure dans cette tombe. Il n'y a que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani, alaykum salam wa rahmatullah. Il n'y a que yani, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est, tu ne peux pas le rejeter. Tu ne peux pas le rejeter. N'importe qui. Tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Tu n'as pas le droit de dire, eh bien mon imam, il a dit ça. Tu vois ? Mais, par contre, il y a de la hikmah ici, il y a de la sagesse. C'est pas parce que, mathalan, tu as un hadith que ça veut dire que. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui peuvent expliquer d'autres hadiths, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas, mathalan, t'as juste un hadith. Il faut vraiment, si par exemple tu parles sur quelque chose, c'est que tu sais de quoi tu parles. Tu sais l'explication de ce hadith. Parce que le ilm, c'est pas apporter une preuve. Le savoir, c'est pas apporter une preuve. Le savoir, c'est comprendre la preuve qu'on apporte. C'est ça la différence, tu vois. La personne maintenant qui veut inventer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le serviteur, d'une part, il parfait les conditions d'acceptation des actes, sincère pour Allah en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, basé sur les preuves et les faire dans les conditions qui ont été mentionnées. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça ? Eh bien, il purifie son âme. Son âme, elle devient beaucoup plus pure. Tu vois, il purifie son âme et s'est mis sur le droit chemin. Pourquoi ? Car en fait, il a agi selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Eh bien, Allah, il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, tu l'as fait. Et la sunna du prophète, comme on disait, c'est dans les autres cours, Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça fait partie de la législation d'Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيِ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce qu'il dit provient de la révélation d'Allah. Provient de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les actes d'adoration que certains inventent, comme on avait dit avec l'histoire du Maulid, l'histoire de yani, des gens qui font, qui mettent une chaise au milieu de la mosquée et qui se mettent à danser en disant que le prophète il va venir s'asseoir, ou des choses comme ça, eh bien, il n'y a rien dans cela qui mène à la purification de l'âme. Ça ne va pas purifier ton âme. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas purifier une âme? C'est pas parce que tu fais un truc que tu crois que c'est bien, que c'est automatiquement bon. Quelle est la preuve? Que c'est pas parce que tu crois qu'il y a un bien dans ça, tu crois que c'est bien que c'est automatiquement bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Vous allez peut-être détester quelque chose, mais c'est un bien pour vous. Donc c'est pas automatiquement des choses que tu crois que c'est mauvais qui sont mauvaises. Allah nous dit que, tu vois, وَعَسَا أَن تُحَبُّ شَيْءٍ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et vous allez peut-être aimer quelque chose et ce sera un mal pour vous. C'est pas automatiquement que parce que tu crois que quelque chose est bien que c'est automatiquement bien. Tu peux croire que quelque chose est bien, mais en fait c'est un mal. Et tu peux croire quelque chose qui est un mal, mais en fait il y a un bien. Par exemple, si tu vas prendre un médicament qui a un mauvais goût, tu vois, sans que c'est un peu dégueulasse le goût, mais en fait il y a un bien pour toi. Tu vois. Et dans les actes d'adoration que les gens ils inventent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant que c'est bien, eh bien ça ne purifie pas l'âme. La tatharruhu wa la tazka nafsu. Ni son âme elle est purifiée, ni il va ni avoir de tazkiyah, yani dans son, elle va pas purifier son âme. Ça va pas l'élever. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour les musulmans. Tu vois? Pour les gens, en général aussi. En révélant sa sharia, sa législation. Par exemple, regarde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en ce qui concerne la nourriture. Tu vois? Il nous a permis de manger les choses. Donc, entre parenthèses, on avait dit dans les actes d'adoration. Les actes d'adoration, c'est restreint. Tu n'as pas le droit de faire un acte d'adoration, excepté si tu as une preuve. Dans la vie de tous les jours, tu vois, tout est halal, excepté jusqu'à ce que tu as une preuve qui te prouve que ça c'est haram. Donc tu ne le manges pas, tu vois. Eh bien, dans la nourriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, il a fait que ça permet, lorsque tu manges des fruits, des légumes, de la viande, il y a des protéines. Avec les légumes, tu rapportes des vitamines parce que les vitamines, elles ne sont pas créées par l'organisme. Elles ne sont pas produites par l'organisme. Les vitamines doivent avoir un apport extérieur. Et donc ça, tu les apportes en fait dans les aliments. Eh bien, ces bonnes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, nous a permis ces bonnes choses-là. Et nous a interdit tout ce qui est mauvais. Il nous a interdit l'alcool. Parce que dans l'alcool, les gens, ils se retrouvent, d'une part, ils se mettent dans un état, ça va les mettre dans des mauvais états. Mais aussi, dans le long terme, c'est que ça donne en fait les cancers au niveau de la langue, de la gorge et de la joue. La consommation d'alcool, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui sont mauvaises. Et Allah nous les a interdits parce qu'il sait que ça, c'est mauvais. Par exemple, la cigarette. Ça aussi, ça va te tuer. Ça mène à des cancers du poumon. Ça te détruit les plus importantes parties du poumon qui sont les plus basses ici. Qui, elles, sont responsables, en fait, de la distribution de l'oxygène que tu respires aux globules rouges. Les cellules rouges, en fait, qui transportent le sang, l'oxygène. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait dans tout ça que ça, c'est un bien. Tu vois? C'est un bien pour le corps. Si quelqu'un, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il veut éviter tout ce qui sont les bonnes nourritures. La viande, le poisson, tu vois, la viande halal, je veux dire. Le poisson, les légumes, tu vois, tous les bons trucs. Il veut arrêter de manger ça. Et il veut se mettre à manger du bois, et du charbon, et des pierres. Eh bien, il va détruire son organisme. Tu vois? Eh bien, l'amal bil bid'a, c'est la même chose. Celui qui invente dans la religion d'Allah, c'est la même chose. Il va délaisser ce qu'Allah a légiféré pour purifier son âme, et il va inventer quelque chose. En croyant qu'il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne va pas purifier son âme, mais il va la détruire. Barakallahu fik. Subhanallah. Il va la détruire. C'est pour ça que l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il a dit: "Al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'tiya." Al-bid'a, ahabba ila iblis min al-ma'siya. L'innovation dans la religion est plus aimée pour le shaitan. Le shaitan, il aime mieux l'innovation que le péché. Il dit pourquoi? Parce que al-ma'siya, yutab minha. Yani, celui qui fait un péché, il va se repentir parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Tu vois, une personne qui fait un péché, il sait que c'est, il se sent mal. Tu vois, là il a vu quelque chose de mauvais, il sait que c'est, il a péché. Donc il va, tu vois, se repentir, inchallah. Mais celui qui fait un acte d'innovation, il va jamais se repentir. Pourquoi? Parce qu'il croit en fait qu'il fait quelque chose de bien. Tu lui dis, ya Ekhi, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais légiféré ça. Et lui va dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Il va jamais se repentir. Donc sachant qu'il va jamais se repentir, et bien Shaitan il préfère ça. Parce que Shaitan il veut pas que tu te repentes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est pour ça qu'il préfère que les gens fassent des innovations. Et l'innovation, comme les ulama disaient, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection, ils disaient qu'à chaque fois qu'une innovation est instaurée dans la religion, dès qu'on disait une innovation, ça veut dire que quelqu'un il invente un acte pour se rapprocher d'Allah, qui ne fait pas partie ni du Coran ni de la Sunna, il n'y a aucune preuve dessus. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met en place une innovation, il y a une Sunna qui est délaissée. À chaque fois. Jusqu'à détruire toute la religion. Mais Allah, il préserve sa religion. Allah, subhanahu wa ta'ala, il préserve sa religion. Et c'est pour ça qu'il met des savants, tu vois, yani, qui vont être une cause dans cela. Comme l'imam Ahmed, rahimahullah, lorsque les gens ils sont venus avec l'innovation que le Coran était créé. Tu vois, qui était la secte qui s'appelait Jahmiya. Il voulait faire croire aux gens que, faut pas dire que tu dis que Allah il parle, et donc c'est une voix qui a été créée, et donc dire qu'en fait le Coran était créé. C'est ramené d'où ça? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit que, tu vois, c'est kalam Allah, c'est la parole d'Allah. Et Allah a parlé de vive voix Moussa alayhi salam. Mais les gens, tu vois, ils évitent tout ça et ils se mettent à penser parce qu'ils veulent croire, ils veulent faire bien en fait, ils veulent donner plus de respect à des choses et en fait ils font mauvais. Tu vois? Non, oui, non mais. Ça a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à un compagnon d'écrire les versets. T'as compris? Et ce qu'il y avait, c'est que lorsque c'était écrit, ensuite, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était écrit dans des feuilles éparpillées, et bien les sahaba le regroupaient dans un livre. Et notamment Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui était à l'origine de ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu plus de 70 des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont été exterminés, ils étaient tous ils mémorisaient le Coran par cœur, tu vois. Et bien ils ont été exterminés, et donc il avait peur que eux ils meurent, tous ils meurent, et après il ne reste plus rien s'il n'y a rien qui est regroupé, donc ils l'ont regroupé. Et donc ce qu'il y a, c'est que on avait dit que, eh bien c'est la même chose, une personne qui fait un acte d'innovation, qui invente dans la religion, elle ne purifie pas son âme, elle l'amène à la destruction. Comme une personne qui va laisser en fait la bonne nourriture pour faire bien son corps, eh bien elle va laisser tout ça et elle va se mettre à manger du bois, du charbon et des pierres. Tu vois? Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation, l'innovation qui arrive en fait, que les gens font dans les actes d'adoration, elles sont de deux types. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bid'a asliya wa bid'a idafiya. Ça veut dire qu'il y a une innovation qui n'a aucune origine dans l'islam. Et bid'a idafiya, c'est une innovation où est-ce qu'il y a eu un rajout en fait de quelque chose. On va donner des exemples. Par exemple, c'est quoi une bid'a asliya? Quelque chose, il fait un acte, quelqu'un il fait un acte. On avait commencé à parler hier avec l'histoire du Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire du Mawlid al-Nabi, de l'anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on appelle une bid'a asliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais célébré son anniversaire. Les compagnons radiallahu anhum, ils n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons, c'est-à-dire qu'ils ont vu les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, ils n'ont jamais fêté yani, l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Atba'a tabi'in, ceux qui sont venus après les tabi'in, ils n'ont jamais fêté l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est venu d'où ça? C'est ça, le bid'a al-asliya, c'est venu d'où? L'origine, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'origine dans l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ma taraktu shay'an mimma amarakum bihi Allah illa wa qad amartakum bihi. Je n'ai pas laissé quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné, qui vous permet de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que je vous l'ai ordonné. Tu vois? Donc, une personne qui va dire, eh bien, c'est pas grave, on peut le faire, tu veux dire que, on lui pose deux questions à cette personne-là, qui veut dire, eh bien, c'est pas grave, on peut le faire. Soit, parce que le prophète, il a dit, je n'ai rien laissé, hein, qui peut vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que je vous l'ai ordonné. Donc cette personne, elle veut dire, soit le prophète ne savait pas, sallallahu alayhi wa sallam, ne savait pas qu'il y avait un bien de célébrer son anniversaire. Donc ça, c'est une grosse accusation quand même. Et donc, soit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait qu'il y avait un bien de célébrer son anniversaire, mais il ne l'a jamais dit à ses compagnons. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas transmis la complète religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Balligh risalat rabbik, transmet le message de ton Seigneur. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, comme on avait vu hier, rapporté par Ibn Majashoun, rahimahullah, qui dit Sami'atu Malik yaqul, j'ai entendu Malik dire Man ibtada'a fil islam bid'a wa yaraha hasana. Celui qui innove dans la religion une innovation, il invente un acte pour se rapprocher d'Allah. Mais il voit que c'est bien, il dit qu'il n'y a pas de problème à le faire. C'est quoi le problème? Je ne tue pas des gens, je ne vole pas. Hein, on fait un truc qui est bien. Alors qu'il n'y a aucune preuve. Celui qui fait cet acte-là, فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَانَ الرِّسَالَ. Eh bien, il prétend que le messager d'Allah a trahi la religion. A trahi la religion. Pourquoi? Parce qu'il veut dire que, ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il y avait un bien. Parce qu'il nous dit que s'il n'y a pas un bien que, le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala nous le... Yani, nous l'a ordonné, excepté je vous l'ai commandé. Eh bien lui, il veut dire, il savait, mais il ne nous l'a pas transmis. Et je vais mentionner la shubha du hadith que certains veulent utiliser. Eh bien, il a dit, فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَانَ الرِّسَالَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Parce qu'Allah a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire la religion, elle est complète. Et ensuite, il termine en disant, فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذَنْ دِينَ لَا يَكُنَ الْيَوْمَ دِينَ. Ce qui n'était pas une religion du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'était pas une religion du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sera jamais une religion aujourd'hui. Tu vois? Donc, les gens, ils veulent utiliser, avant d'arriver, inshallah, à ce hadith-là, je vais mentionner en ce qui concerne ça, la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est inventée par certaines personnes. Ce qu'on a dit, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sahab, ni taba'in, les meilleures générations, les meilleures personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, khayrun nas qarni. Les meilleurs des gens, c'est qui? Ceux de mon siècle. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent. Thumma alladhina yalunahum. Les trois meilleures, yani, générations. Ils n'ont jamais fait ce genre de truc. Eh bien, cette célébration-là de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innovée par certaines personnes, soit par imitation des chrétiens, parce que les chrétiens ils prétendent célébrer l'anniversaire de Isa alayhi salam le 25 décembre, alors qu'on sait que ça c'est faux, c'est pas le 25, mais bon, même eux ils veulent le célébrer. Eh bien pourquoi les musulmans ils veulent le faire? Faire comme eux? Ah, comme eux ils célèbrent, nous? Non? Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'opposer les juifs et les chrétiens dans leurs actes, dans ce qu'ils faisaient. Subhanallah. Khaliful Yahoud wa al-Nasara. Opposer les juifs et les chrétiens. Dans ce qu'ils font. Lorsque même il y a eu l'aven qui a été, l'appel à la prière qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils voyaient comment qu'ils allaient appeler les gens à la prière, certains disaient que les cloches, les chrétiens ils font ça. Et bien ça, non, et ça c'est fait par telle tête. Tu vois, alors que l'appel à la prière c'est spécifique aux musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas imiter les gens qui ne sont pas des musulmans. Tu vois, parce que si tu l'imites, ça veut dire quelque part que t'aimes ce genre de truc-là et que tu veux ressembler à ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Et bien ça, où les gens ils veulent dire par amour ou par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été interdit par la sharia, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila amalan, laysa alayha amruna fahuwa rad. » Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre sera rejeté. C'est pas accepté par Allah. Donc, Ça, comme je disais, ça n'a pas été célébré ni par le prophète Sarsel, ni par les compagnons, ni dans les trois meilleures générations, ni les imams. Il y a ni l'imam Malik, l'imam Abu Hanif, Hachef, et Ahmed. Ils n'ont jamais célébré ce genre de truc. Si ça, ça aurait été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, pensez-vous vraiment que ça aurait été oublié tout ce temps-là? Donc les gens maintenant qui veulent dire, eh bien moi en fait, je le fais par amour et respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ben moi je lui dis, vas-tu aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mieux que les compagnons? Bilal radiallahu anhu, lorsqu'il faisait l'appel à la prière, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il arrivait en disant, Ashhadu anna Muhammad rasulullah, il a dit, je ne pouvais même pas le prononcer. Tellement il avait cet amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces meilleurs gens qui ont été cités dans le Coran, ils n'ont jamais fait ce genre de truc-là. Donc, les gens d'aujourd'hui vont-ils revendiquer un amour plus fort que les compagnons? Subhanallah. Hudhayfa, radiallahu anhu, a dit, n'accomplissez point des adorations que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas accomplies. Car les prédécesseurs n'ont rien failli à mentionner aux successeurs. Ils ont tout transmis. Et ce athar, il est dans Sahih Muslim. Et ça, c'est venu d'où? On a dit que c'est venu, l'origine, ça vient en fait à l'époque de la dynastie des Bani Ubaid. C'est les Shia, connus sous le nom des Fatimides, les Fatimides. Ils ont inventé en fait de nombreuses célébrations. Donc ils célébraient l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'an, pour imiter les juifs. Ils célébraient aussi, comment ça s'appelle, le Nawruz. En fait, c'est la nouvelle année solaire perse. Et donc, ce qu'il y a, c'est que tout ça, c'est pas provenu de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains, ils vont utiliser un hadith. Comme je disais, le ilm, c'est quoi? C'est comprendre le hadith. C'est pas juste le citer. Il va utiliser un hadith, eh bien, « Man sanna fil islam sunna hasana ». Celui qui introduit une tradition dans l'islam qui est bonne. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Man ibtada'a fil islam bid'a hasana, celui qui invente une bonne bid'a. OK? Il n'a pas dit ça. Il a dit man sanna fil islam sunna hasana. Eh bien ce hadith là, il a une histoire. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons et il y a des gens qui étaient venus, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien, même au niveau de leurs habits, c'était Allah musta'an. Tu vois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il les a vus, il est devenu triste. Et il a dit, qui c'est qui veut donner en sadaqa pour eux? Eh bien, ne serait-ce la moitié d'une date. Qui c'est qui veut donner, ne serait-ce la moitié d'une date en aumône pour eux? Eh bien, il aura une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le hadith, il ne s'est pas mentionné son nom. Il est parti chez lui, il a ramené tout ce qu'il pouvait et il l'a posé au pied du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a vu tout ce qu'il avait ramené, il est devenu content. Tous les sahabas qu'ils ont vu ce compagnon-là faire ça, ils sont tous mis à faire comme lui. Ok? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sanna fil islam sunna hasana ». Donc ici, le compagnon qui est parti chercher ce qu'il pouvait avoir, non? Voilà, c'est bien qu'il avait pour donner en aumône à cela. Et bien le fait que les autres, ils les ont suivis, lui, il reçoit la récompense de tous les autres qui l'ont fait sans rien leur diminuer. Ici, ce hadith réfère à ça. Et ce compagnon qui a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas inventé quelque chose dans la religion. Tu vois ce que je veux dire? Il a suivi l'ordre. En suivant l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a obéi à Allah. « Man yuti' al-rasul faqad ata' Allah ». Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Oui, non, mais ça c'est en fait pour décrire. Mais ça c'est en fait pour décrire en fait l'origine en fait de ce hadith. Pourquoi? Parce qu'on va entendre souvent ceux qui veulent célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va être dans Rabi al-Awl. La question que je leur pose, allez, célébrez-vous sa naissance ou sa mort? Il y a certaines narrations qui disent qu'il est mort le même jour. Donc tu célèbres quoi? La naissance ou sa mort? Ensuite, c'est quoi? C'est qu'il y en a que Ertalafou. Dans, ils ont différé dans la naissance, le jour de la naissance. Donc ils ont dit c'était Fi'am el-Fil, lorsque les éléphants étaient venus, ceux qui étaient venus avec l'armée des éléphants pour détruire la Kaaba. Il y en a qui disaient que c'était cette année-là. D'autres, ils ont dit en fait c'était un mois après cet événement-là. D'autres, ils ont dit c'était 40 jours. Donc pourquoi la personne elle va se mettre dans des problèmes? Tu vois? Ça fait pas partie de la religion. Ça n'a aucune base dans la religion. Ça, c'est ce qu'on appelle el-bid'a, el-asliya. Est-ce que c'est clair pour l'histoire du hadith? Mansana, c'est l'islam bid'a. Hasana, inshallah. Allez, je vais terminer, inshallah, avec ça. L'autre point que je voulais souligner, on va terminer, inshallah, avec ça. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ. C'est ce qu'il dit dans l'introduction de ses khutab, le jour du vendredi. Et ce que je disais avant de commencer. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ. Attention à tout ce qui est inventé dans la religion. Parce que tout ce qui est inventé est une innovation. Et après il a dit وَكُلْ بِدْعَ ذَلَيْلَ. Donc si certaines personnes veulent dire, ben, y a certains ulama qui ont dit ça. Mais la preuve c'est qui? C'est le Coran et la Sunna. Si eux, ce qu'ils ont dit, eh ben, il est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. S'il oppose, pourquoi on va accepter des gens qui opposent le Coran et la Sunna? Toi, tu vas te faire interroger le jour du jugement sur, par exemple, tu as fait ça, pourquoi? C'est pas un tel qui l'a dit. Ben, tu avais le Coran et la Sunna, pourquoi tu ne l'as pas suivi? Donc ceux qui veulent dire, non, pas toutes les innovations sont mauvaises, certaines peuvent être bonnes. Parce qu'on l'entend aujourd'hui, il y a certaines qui peuvent dire bonne innovation. Ben voilà, ils peuvent dire, certaines, y a, non, pas toutes les innovations sont bonnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit kul bid'a dhalala wa kul dhalala fi an-nar et fi riwaya wa kul dhalala fi an-nar. Oui, exactement ça. Kul bid'a dhalala wa kul dhalala fi an-nar. Toute innovation est une déviance et toute déviance mène au feu de l'enfer. Donc ceux qui veulent dire pas toutes les innovations sont mauvaises, certaines peuvent être bonnes, ils sont obligés de dire toutes, pas toutes les déviances sont mauvaises, certaines peuvent être bonnes. C'est ce que je veux dire? Parce que le hadith il est clair. Ouais, non, mais ils veulent dire, voilà. Donc, non, ils veulent même dire que certaines déviances, eh ben non, il n'y a pas toutes les déviances qui sont mauvaises, certaines peuvent être bonnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kul bid'a dhalala kul dhalala sunnah. Donc aujourd'hui, on peut, je lisais la dernière fois, il y avait quelqu'un qui disait, on ne peut pas dire que toutes, ils n'ont pas le droit d'utiliser ce hadith. Pourquoi, subhanallah? Le prophète, il l'a dit, kul bid'a dhalala kul dhalala sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man amila amalan, laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, ce sera rejeté. Rejeté, c'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Suivez et n'innovez pas. Ce que vous avez est suffisant, le Coran et la Sunna. Et aujourd'hui, je vais terminer avec ce point-là, inshallah. Aujourd'hui, toutes les, comme on disait, les différents groupes, les différents trucs, alors que normalement, il n'y a qu'un seul islam. Pourquoi il y a 3 milliards de... Et celui-là il pense comme ça et non celui-là. Il n'y a qu'un seul islam et écrit, c'est ce que Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et les compagnons ils ont expliqué comme ça parce que tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset a été révélé, alaykum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha ihtadaytum. Préoccupez-vous de vous-même, ceux qui ont dévié ne peuvent pas vous influencer si vous avez pris le droit chemin. Les compagnons ils ont cru que ce verset-là stopper, commander le bien et interdire le mal. Ce qu'ils se disaient en fait que ben, je pense qu'on doit juste se préoccuper que de nous-mêmes. Ils sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu bal tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Mais commandez entre vous le bien et interdisez-vous le blâmable. Hatta idha ra'aytum shuhhan muta'a wa hawan muttabi'a wa dunya mu'thara وإعجاب لكل رأي برأي فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام. Donc commandez le bien et interdisez le mal. Mais il a expliqué aux compagnons quand est-ce que ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire que quand est-ce que toi tu dois te préoccuper que de toi-même. Interdire le bien commander le bien et interdire le mal, il y a un temps où ce qui peut pas être appliqué. C'est quand? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens suivront leur passion. Ils ne veulent pas t'écouter. Lahi fil lahwa nta'u. Ra'ayta alladhi attakhadha ilahahu hawa. Tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas t'écouter. Il veut suivre sa passion. Ou bien celui qui croit que yani, son mokh yuzun alam. Tu vois, son cerveau, il pèse la planète en entier. Il peut diriger la planète, il croit, tu vois. Tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il ne va pas t'écouter. Dans ces conditions-là, toi, tu as fait le rappel. T'as commandé le bien, interdit le mal. Il ne tue pas. Inna ala rasulina illa al-balagh al-mubin. C'est tout. Nos messagers, c'est quoi? Ils ont juste à transmettre. Il a suivi, alhamdoulilah, ce sera une preuve pour lui. Il a refusé, ce sera une preuve contre lui. Tu vois? Donc c'est ça en fait que la personne. Et donc là tu comprends dans cette narration-là qui est authentique, c'est que l'islam on la comprend comme les compagnons ils l'ont compris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si moi je ramène de ma tête, eh bien voilà, moi je vais penser comme ça, je crois que ce verset-là il veut dire ça, je crois que ce verset-là il veut dire ça. Un tel, chacun il va penser comment il veut faire son verset à la carte, comme on disait, eh bien c'est pour ça que tu as des divisions aujourd'hui. Tu vois? Alors qu'Allah nous a dit, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et moi j'utilise tout le temps ce verset-là. Lorsque par exemple j'ai des débats avec des frères sur ce truc-là. La dernière fois c'était avec un imam sur ça. Je l'avais conseillé sur ça. Il m'avait dit non parce que voilà, il essayait de ramener des preuves ici et là. Je lui ai dit ramène-moi une preuve du Coran et de la Sunna ou de l'action des compagnons. Que ça c'était fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de célébrer son anniversaire. Il ne pouvait pas m'en ramener une seule, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a ni un hadith authentique, ni un hadith qui est faible, ni un hadith qui est inventé sur ça. Il n'y a rien. Ouais. C'est de tomber dans le même panneau que les chrétiens qui ne pensent qu'à Jésus, qu'à Sébé Noël. Et ils se font le rappel qu'à ce moment-là, oui, le risque, c'est là, c'est que nous, on tombe dans le même... Bah, le truc, c'est quoi? C'est qu'une personne qui veut dire, on repense à l'héritage. Mais repenser à l'héritage, mais celle du prophète, certainement ce jour-là, c'est pas limité à ce jour-là. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tu lis le Coran tous les jours. La sunna, tu l'appliques tous les jours. Fahmi, le truc, c'est quoi? C'est que ça, c'est en fait, c'est un faux argument, on va dire. Fahmi, parce que cette action-là, elle n'a pas été faite par des compagnons ou par ceux qui n'ont pas vu les... le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'ont jamais fêté. Voilà, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, cet argument-là, il est ramené par les personnes, mais je réponds en fait à cet argument où Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَإِن تُتِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils te dévieront des droits de chemin. C'est pour ça que la majorité, ce n'est pas une preuve en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ. Il y aura tout le temps une minorité de ma communauté qui restera sur la vérité. Tout le temps. Barakallahu fikum, on va terminer là, inshallah. On va continuer, inshallah, la semaine prochaine. Jazakum Allahu khair. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allahu khair pour votre patience. Barakallahu fikum.